À l'école. Scène 2. Dans le corridor. Deux garçons sont dans le corridor de l'école devant leur casier. Ils sont en retard. La classe est déjà commencée. Hé, Liam, mon chum! Ah, mon ami Luc, tu es encore en retard. Je suis entré par la porte au bout. La directrice ne m'a pas vu. Elle est au bureau et elle fait les annonces du matin. Le surveillant des corridors ne m'a pas vu parce qu'il parle avec un autre élève qui est en retard. Quelle est ton excuse cette fois, mon gars? Ma mère n'est pas à la maison. Elle rend visite à ma grand-mère qui est malade. Mon père travaille tôt le matin. Et mon réveil est cassé. Ce n'est pas ma faute. C'est toujours ta faute. Tu es fou. Moi, fou? Pas du tout. Mais, Liam, as-tu du papier? J'ai besoin de papier, s'il te plaît, mon ami. Bien sûr. Liam trouve du papier et le donne à Luc. Maintenant, allons en classe. Un instant. J'ai besoin d'un stylo aussi. Bon sang, Luc! Liam trouve un stylo et le donne à Luc. Vite! Allons en classe! Non, pas tout de suite. Je n'ai pas mon livre pour la classe. Je l'ai laissé chez moi. Tu n'as pas ton livre. Incroyable! Tu es si distrait! Ah! Liam, mon copain, laisse-moi partager ton livre en classe. S'il te plaît, mon chum. Je t'en prie, mon ami. De grâce, de grâce. Non, absolument pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Dis-moi, pourquoi pas? Parce que j'ai perdu mon livre.